Chapitre 14e. La célébration du Old Home Week intéressait également les villages voisins dépendants de la commune de North Dormer, et les mêmes cérémonies devaient se dérouler depuis Dormer et les deux Creston jusqu'à Hamblin, ce hameau solitaire, juché sur la pente nord de la montagne où tombait toujours la première neige. Le troisième jour, il eut donc des discours et des cérémonies à Creston et à Creston River. Le quatrième, on emmena les principaux acteurs de ces fêtes à Dormer et à Hamblin. Ce ne fut que le quatrième jour que Charity revint pour la première fois à la petite maison déserte. Elle ne s'était pas rencontrée seule avec Arne depuis qu'il s'était quitté à la lisière du bois, le soir qui précéda la fête de North Dormer. Dans l'intervalle, elle avait passé par des émotions bien différentes. Pour le moment, la terreur qui l'avait saisie dans la salle de l'hôtel de ville s'était atténuée jusqu'à n'être presque plus qu'un lointain souvenir. Elle se disait qu'elle s'était probablement trouvée mal, parce que la chaleur était par trop étouffante, et aussi parce que les orateurs avaient parlé sans arrêt pendant un temps vraiment interminable. Plusieurs autres personnes n'avaient-elles pas été incommodées des discours, et n'avaient-elles pas dû sortir avant la fin? Et puis il y avait eu de l'orage pendant tout l'après-midi, et tout le monde s'était plaint de la ventilation insuffisante de la salle. À la petite sauterie qui avait eu lieu dans la soirée, où elle ne s'était rendue qu'à contre-cœur, et uniquement parce qu'elle n'osait pas s'en absenter, elle s'était sentie subitement rassurée. Dès son entrée, elle avait vu que Arne l'attendait. Il s'était approché de suite, la regardant avec des yeux tendres et rieurs. Elle avait emporté dans le tourbillon d'une valse. Les pieds de Charity étaient devenus subitement légers, dociles au rythme de la musique, et bien que son étude de la danse se bornât à quelques bals de village, elle n'avait eu aucune difficulté à se mettre au pas de son danseur. Pendant qu'ils avaient tourné sur le plancher, toutes ses vaines craintes l'avaient abandonnée. Elle avait même oublié que les souliers de satin qu'elle portait ce jour-là étaient probablement ceux d'Annabelle Balch. La valse est terminée. Arne l'avait quittée pour aller à la rencontre de Miss Hatchard et de Miss Balch, qui venaient d'entrer. Charity avait eu un moment d'angoisse, mais sans durée. Elle s'était sentie ce soir-là triomphalement jolie, et la certitude que Arne était subjuguée par sa beauté dissipait toutes ses appréhensions. Miss Balch, dans une toilette qui lui allait mal, avait un air gêné et triste. Charity avait même cru voir dans ses yeux aussi pâles une expression de découragement. Miss Balch avait pris une chaise à côté de Miss Hatchard, et l'on s'était aperçu à son attitude qu'elle était décidée à ne pas danser. Charity non plus n'avait guère dansé. Arne lui avait expliqué que Miss Hatchard l'avait prié de faire valser chacune des autres jeunes filles. Mais avant de les inviter, il était venu chaque fois demander la permission de Charity, et cette attention lui avait donné un sentiment de triomphe intime, plus complet encore peut-être qu'au moment où elle tourbillonnait avec lui dans l'enivrement de la musique. Elle se ressouvenait de tout cela maintenant en l'attendant dans la maison déserte. La soirée était encore chaude et l'air étouffant. Elle avait enlevé son chapeau et s'était étendu de tout son long sous la couverture mexicaine, car il faisait plus frais à l'intérieur de la maison que sous les arbres. Ses bras étaient croisés sous sa tête, et elle tenait ses yeux fixés sur la fenêtre par laquelle elle apercevait l'âpre silhouette de la montagne. Derrière cette masse sombre, le ciel s'emplissait du soleil à son déclin. Dans peu d'instants, elle allait entendre sur la route le grelot de la bicyclette de Harney. Il avait en effet pris sa machine pour se rendre à Hamblin, au lieu de monter en voiture avec sa cousine et ses amis, de façon à pouvoir s'échapper plus tôt et s'arrêter au retour à la maison abandonnée, qui se trouvait précisément sur la route de Hamblin. Lui et Charity avaient ri ensemble, la veille, à la pensée qu'ils entendraient les voitures bondées passer au retour, tandis qu'ils seraient là, bien clos, dans leur retraite, derrière les vieux pommiers. Ces plaisirs d'orgueil enfantin donnaient à Charity le sentiment d'une insouciante sécurité. Néanmoins, elle n'avait pas tout à fait oublié la vision de terreur qui s'était offerte brusquement à ses yeux pendant les cérémonies à l'hôtel de ville. À partir de ce jour-là, la conviction que son bonheur serait permanent l'avait quittée. Il sentait qu'à l'avenir, chaque minute passée avec Arne serait assombrie par le doute. De noir, la montagne devenait pourpre, comme saturée de l'éclat du soleil couchant. Une ligne de lumière plus vive en cernait la crête, et au-dessus du mur de flammes du couchant, le ciel d'un vert pâle évoquait la fraîcheur glauque d'un lac dans la forêt. Charity ne bougeait pas, les yeux sur la montagne en feu, guettant l'étoile blanche du crépuscule. Ses regards ne quittaient pas le pan du ciel qu'encadrait la fenêtre, mais tout à coup, elle eut conscience qu'une ombre avait traversé les rayons de lumière qui baignaient la chambre. Peut-être était-ce Harney, qui longeait la fenêtre. Elle se redressa paresseusement, puis laissa retomber sa tête sur ses bras repliés. Les peignes avaient glissé de sa chevelure qui se déroulait sur sa poitrine. Elle ne bougeait pas, un vague sourire sur ses lèvres, ses paupières paresseuses à demi refermées. Il y eut un léger bruit, quelqu'un touchait au loquet de la porte. Elle cria, toute joyeuse, « Mais enlevez donc la chaîne !» La porte s'ouvrit, et Mr. Roy elle entra. Brusquement, elle se redressa, appuyée contre les coussins entassés, et tous deux se regardèrent sans parler. Alors l'avocat referma la porte et fit quelques pas dans sa direction. Charité se leva et, toute droite, balbutia. « Que venez-vous faire ici ?» Les dernières lueurs du soleil éclairaient en plein le visage pâle de Mr. Royal. « Je suis venu parce que je savais que vous y étiez, » répondit-il simplement. Elle se rappela que ses cheveux étaient dénoués et sentit qu'elle ne pourrait lui parler tant qu'elle serait ainsi décoiffée. Elle se baissa pour ramasser ses peignes et se mit à relever sa chevelure avec des mains qui tremblaient. Mr. Royal la regardait en silence. « Charity, » dit-il, « il sera ici dans un instant. Laissez-moi vous parler d'abord. Vous n'avez pas le droit de me parler. Je puis faire ce qui me plaît, je le sais. S'il en est ainsi, que comptez-vous faire ? Je ne veux rien vous répondre. » Les yeux de Mr. Royal se détournèrent. Il se mit à examiner curieusement la pièce encore baignée de soleil. Sur la table, des reines marguerites mauves et des feuilles d'érable pourpre remplissaient la cruche. Contre le mur, une petite planche supportait une lampe, la bouillotte, quelques tasses et assiettes. Les deux pliants étaient installés près de la table. « C'est donc ici que vous vous retrouvez ? » dit-il. À présent, il paraissait tout à fait calme et maître de lui. Cela la troubla. Elle était prête à rendre violence pour violence, mais cette tranquille acceptation des choses la laissait désarmée. « Voyons, Charity, vous me dites toujours que je n'ai pas de droit sur vous. Il y a deux façons d'envisager cette prétention, mais je ne veux pas la discuter avec vous. Je vous ai élevé aussi bien que cela était en mon pouvoir. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous, et sauf une seule fois. Je ne crois pas jamais avoir manqué à mes devoirs envers vous. Il serait injuste d'oublier tout le reste à cause de ce moment de folie. Vous le savez aussi bien que moi, sinon... vous n'auriez pas continué à vivre sous mon toit. Il me semble donc qu'en ne quittant pas, vous m'avez donné un certain droit, celui d'essayer de vous protéger et de vous conseiller. Je ne vous demande pas autre chose. » Elle écoutait en silence, puis elle eut un rire moqueur. « Il vaut mieux attendre alors que j'ai besoin de vos conseils, » dit-elle. Il se tut un instant, comme s'il pesait les paroles qu'elle venait de prononcer. « C'est là tout ce que vous répondez ? Oui, c'est tout. » « C'est bien, j'attendrai. » Il se détourna lentement, comme pour partir. Mais à ce moment, ce que redoutait Charity se produisit, la porte s'ouvrit et Harney entra. Il s'arrêta net, figé par la surprise. Toutefois, se remettant aussitôt, il s'avança vers Mr. Royal, le regardant bien en face. « C'est moi que vous êtes venu chercher ? » demanda-t-il, très maître de lui, en jetant son chapeau sur la table de l'air d'un homme qui est chez lui. Mr. Royal promena lentement ses yeux par toute la pièce, puis ses regards se posèrent sur le jeune homme. « C'est ici que vous habitez ? » questionna-t-il. Harney lâcha dans un sourire. « Mon Dieu, j'y habite comme peuvent y habiter tous les nomades du pays. À la vérité, j'y viens dessiner de temps en temps. Et recevoir les visites de Miss Royal, quand elle me fait l'honneur. Est-ce ici l'habitation que vous vous proposez de lui offrir quand vous vous marierez ?» Il eut un silence profond. Un silence qui semblait devoir ne plus finir jamais. Charity, tremblante de colère, s'était avancée pour répondre. Mais il s'était tu à son tour, trop humilié pour ouvrir la bouche. Les yeux de Harney s'étaient baissés devant ceux du vieillard. Il les releva enfin, et regardant bien en face, Mr. Royal répondit. Miss Royal n'est pas une enfant. N'est-ce pas un peu ridicule de parler d'elle de cette façon? Je suis persuadé qu'elle se juge libre d'aller venir comme il lui plaît. Sans en rendre compte à personne. Il s'arrêta et reprit. Du reste, je suis prêt à répondre à toute question qu'il lui plaira de me poser. L'avocat se tourna vers elle. Demandez-lui donc quand il va vous épouser. Il eut un autre silence, et ce fut au tour de Mr. Royal de rire d'un rire rauque, douloureux. Vous n'osez pas ! S'écria-t-il, avec un éclat de colère soudaine. Il s'était rapproché de Charity, son bras droit levé, non dans un geste de menace, mais d'exhortation tragique. Vous n'osez pas et vous savez pourquoi. » Il se retourna brusquement vers le jeune homme. « Et vous savez aussi, vous, pourquoi vous ne l'avez pas demandé en mariage et pourquoi vous n'y songez même pas. C'est parce que vous ne voulez pas d'elle pour votre femme, ni vous, ni aucun autre. Je suis le seul qui soit assez fou pour ne pas l'avoir su. Personne ne se trompera sur son compte comme je me suis trompé. Personne de l'Eagle County en tout cas. Tout le monde sait qui elle est, d'où elle vient et de qui elle sort. Tout le monde sait que sa mère était une fille de Nettleton qui a suivi une de ses fripouilles de la montagne pour habiter chez lui. Je l'ai vue là-haut il y a 15 ans quand j'y suis monté pour aller chercher la petite. Je l'ai prise chez moi pour l'arracher à la vie ignoble que menait sa mère. J'aurais mieux fait de la laisser dans la pourriture d'où elle vient. » Il s'arrêta, promenant un regard sombre sur les deux jeunes gens et sur la montagne devenue toute noire et menaçante, sous la frange de feu qui la couronnait. Tout à coup, se laissant choir sur une chaise devant la table où si souvent les amants avaient fait leur repas rustique, il se couvrit le visage de ses deux mains. Harnais s'était appuyé contre la fenêtre, les sourcils froncés. Il faisait tourner entre ses doigts un petit paquet attaché par une ficelle. Charity entendit Mr. Royal pousser un ou deux profonds soupirs et vit que ses épaules étaient secouées par des sanglots silencieux. Lentement, il se releva et traversa la chambre, ne regardant plus Charity ni Harnais. Tous deux le virent qui cherchait la porte et tâtonnait pour trouver le loquet. Enfin, il sortit et disparut dans l'obscurité. Un long silence suivit son départ. Charity attendait que Harnais parlât le premier, mais il semblait qu'il ne trouvât tout d'abord rien à dire. À la fin, gêné, il murmura. « Je me demande comment il nous a découverts. » Elle ne fit aucune réponse. Il jeta sur la table le paquet qu'il tenait à la main et s'approchant. « Je suis navré, ma chérie. C'est trop bête que cette histoire nous soit arrivée. » Elle releva la tête d'un air fier. « Je ne regrette rien, moi. Rien, entendez-vous? Rien? Non. » Elle crut qu'il allait la saisir dans ses bras, mais il s'était détourné, comme s'il ne savait pas au juste l'attitude qu'il devait prendre. La dernière lueur du jour s'était éclipsée derrière la montagne. Tout dans la chambre était devenu vague et crépusculaire. Du terrain creux au-delà du verger montait déjà une brume humide de soir d'automne. Ils en sentaient le froid sur leurs visages enflammés. Harnais arpenta la pièce d'un pas lent, puis, se retournant, il alla s'asseoir devant la table. « Allons, viens, » dit-il d'un ton bref. Elle s'approcha, prit la chaise et s'assit de l'autre côté de la table, tandis qu'il dénouait la ficelle du paquet, étalant sur la table une douzaine de sandwiches. « J'ai chipé cela au banquet de Hamblin, » dit-il en riant, et il les poussa devant elle. Elle rit, elle aussi, prit un sandwich et se mit à manger. « As-tu préparé le thé ?» demanda le jeune homme. « Non, » dit-elle, « j'ai oublié. » « Tant pis, il est trop tard pour faire bouillir l'eau maintenant. » Tous deux, sans parler, en face l'un de l'autre, continuèrent à manger en silence. L'obscurité envahissait la petite pièce. Charity ne voyait déjà plus le visage de Harnais. Tout à coup, il se pencha par-dessus la table et posa ses mains sur les siennes. « Je vais être obligé de m'absenter pendant quelque temps, Charity, » dit-il brusquement. « Un mois ou deux, peut-être, pour arranger certaines choses. Puis je reviendrai et nous nous marierons. » Sa voix semblait celle d'un étranger. Rien n'y demeurait des vibrations qu'elle connaissait si bien. Elle laissa sa main sous la sienne et la sentit froide et inerte. Un moment, elle leva la tête pour lui répondre, mais les mots moururent dans sa gorge. Alors ils restèrent longtemps sans bouger, gardant leur attitude de tendresse confiante comme deux amants heureux subitement surpris par la mort. À la fin, Harnais se leva en frissonnant. « Mon Dieu, comme il fait frais. Nous n'aurions pas pu venir ici encore longtemps, » dit-il. Sur la planche, il prit un bougeoir d'étain et alluma la bougie. Puis il appuya un volet démonté contre la fenêtre et posa le bougeoir sur la table. La clarté vacillante de la bougie projetait des ombres étranges sur son front plissé et rendait son sourire pareil à une grimace. « Mais ça a été bon tout de même, n'est-ce pas, Charity ?»« Qu'importe. Eh bien, pourquoi restes-tu là à me regarder ainsi ? As-tu oublié une bonne journée d'ici ?» Il vint près d'elle et la prit dans ses bras. « Il y en aura d'autres, beaucoup d'autres, plus belles, encore plus belles, n'est-ce pas, ma chérie ?» Il renversa doucement la tête, cherchant sur son cou, derrière l'oreille, l'endroit si souvent baisé, et y appuyant sa bouche. Il lui baisait aussi les cheveux, les yeux, les lèvres. Elle se serrait contre lui désespérément, et comme il l'attirait sur le divan, elle eut l'impression que tous deux sombraient ensemble dans un abîme sans fond.